Landschaft in völliger Stille. Von ferne ein Radio. Qui était cet homme? Cet homme qui était transpercé de ses cheveux, qui ne sont que des souvenirs d'ailleurs. Mais aussi, comment ai-je pu? Je peux voir ces chaînes alors que ce n'était qu'un souvenir. Je suis sûr que les chaînes me verraient réellement apparues parce que elles ont pénétré dans ses chairs. Enveloppé son cœur et elles sont venues. Le remporter lui-même. Les animaux autour de moi à ce moment-là reculaient, me regardaient comme si j'étais devenu un monstre. Ou comme s'ils avaient vu un fantôme. Peut-être. Est-ce la force de la bâtir noire? Ou alors, l'emprise, l'égrégore. Mais qu'est-ce que je pense avoir? J'avais envie de remanger, mais vous savez ce que je voulais remanger, ce que je voulais manger, donc c'était pas réellement de la faim. Alors, j'ai couru. J'ai essayé de trouver un endroit où personne ne me reconnaîtrait. J'ai essayé de me calmer. Mais des chuchotements incompréhensibles, c'était comme si il y en avait qui me chuchotaient comme ça, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. J'ai eu un plaisir fou. Me souvenir de cet homme, étrangement. Quand je me suis souvenu des conditions atroces où il est mort, j'étais encore plus heureux. Mais les animaux me regardaient comme si j'étais comme eux, je les effrayais un peu aussi. J'avais vraiment l'impression d'être devenu un monstre. Alors j'ai décidé de trouver un autre endroit. Un endroit où des gens pourraient me comprendre. et où j'entendrai plus ses chuchotis. Mais ses chuchotis me suivèrent partout où j'allais. Et quand je me suis ressouvenu des chaînes et qu'elles sont réapparues, sur les chaînes, il y avait des inscriptions étranges qui s'allumaient en même temps que les chuchotis, comme si c'était les chaînes qui parlaient. Mais ce n'est pas possible que l'homme soit mort d'un souvenir. L'homme n'a pas pu. Sans aucun doute, la lumière noire, c'est comme si il n'y en avait plus, il y en avait, ou que je chuchotais plus fort. Et cette fois que je sortis les chaînes, je vis un reflet. Sur un bout de la chaîne qui était gris à cause du temps qui était devenu gris. Et je me vis. J'avais des cornes, un œil qui dégoulinait avec la pupille toute petite. Et le reste de mon œil était totalement noir, comme un vide. Et quand je me vis, je commençais à me calmer. Et les cornes rétrécissaient comme si... comme si mes cornes pouvaient grandir. Et que j'étais en colère. Une sorte de jauge. Et quand mes cornes avaient totalement rétréci et que mes yeux étaient redevenus normaux, les inscriptions s'étaient effacées. Les chaînes étaient devenues totalement grises. Elles n'étaient plus noires et bleues. Et je me dis. Qui était-il ? Qui était cet homme ? Landschaft in völliger Stille. Von ferne ein Radio. Une fois, dans l'hôpital, j'étais assise sur un fauteuil dans la salle de repos. J'étais avec Bouton et j'étais perdue dans mes pensées. Je me posais tout un tas de questions, mais l'une d'entre elles me frappa le plus. Pourquoi m'a-t-on créé ? Pourquoi je devrais avoir le droit à la vie ? Qui a décidé de cela ? Même si j'ai ma petite idée là-dessus. Du coup, de temps en temps, quand je m'ennuie, je pose cette question aux gens. Même si je ne parle pas souvent aux autres. C'est le seul sujet que je parle aux... avec lequel... Ouais. C'est le seul sujet dont je parle avec des inconnus. Mais jamais avec les blouses blanches. Je ne veux pas savoir leur avis. Du coup, je posais la question à Bouton. Tu sais pourquoi... Est-ce que tu aurais une idée pourquoi tu serais créé, toi? T'aurais été créé, toi? Même si t'as pas été créé, vraiment. Je ne sais pas. J'ai dans les mains un objet plastique que je serre avec vigueur, l'une de ces manettes de console, et je regarde avec attention. Je te regarde, toi. Hein? Et je suis tout entier captivé par le jeu qui est reporté sur l'écran. Le jeu qui illumine l'écran, enfin illuminé, c'est un grand mot, c'est plutôt l'assombri, ou c'est ce que je vais perdre qui l'illumine. Mais c'est pas bien un... et on entend le qui ponctue mes hésitations entre ta question, toi qui es présente à côté de moi, et puis mon temps de cerveau qui est réduit à je voudrais pouvoir à comment on fait sur un téléphone un je cherche les pensées parasites. Tu disais qu'on a été créé, c'est non, ça? Bah comment? Pourquoi? Comment on fait les bébés? Non, j'ai pas envie de savoir ça. Non, merci. Non, ça m'intéresse pas trop. Ah bon? Surtout que c'est pas la même chose que les êtres vivants. Ah oui, c'est vrai. À côté de... Je pose la main sur mon voisin, sur son genou. Il tressaute pas, il est comme ça dans son fauteuil roulant, les bras coincés qui forment une croix, une équerre, et il a le regard figé droit devant. On l'a placé dans l'axe de la télévision pour que, quand même, il s'ennuie pas dans la salle de repos, mais on peut se dire qu'il s'ennuie. Qu'il s'ennuie, le pauvre. Et il y a Marmotte de l'autre côté, parce que elle est pas vraiment d'un, il n'est pas vraiment d'un grand secours, lui, qui est figé. Et je regarde à nouveau l'écran. Je vais te perdre. Et là, je vois ma barre de pompe qui remonte toute seule. Et poum ! Le point renvoie. Et Marmotte me regarde ébahi. Ah, comment qu'on fait ? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu as dit déjà ? Non, pardon, c'est dommage, c'est pas passionnant une partie de Pong, mais on a que ça ici. Comment on t'a créé, c'est ça ? Non, pourquoi les gens... Tu t'es pas demandé dans ta vie pourquoi on t'a créé, toi ? Pourquoi on doit subir tout ça, c'est ça ? Non, je sais pas. C'est quoi ta vraie question ? C'est ce que tu voudrais savoir, pourquoi t'es là, dans l'hôpital, dans la... Non, juste pour savoir pourquoi... Il y a comme un océan de tristesse dans tes yeux quand tu dis ça. Non. Non ? Heureusement que tu souris, là, mais il est un peu forcé, ce sourire. Ah, enfin, c'est un sourire. Ah, très drôle. C'est un sourire. Tu me fais un sourire ? Et on entend toujours le ping, ping, ping. Pourtant, j'ai reposé les manettes sur la table. J'en fais tout le temps. Comment tu veux que je t'en fasse un ? Un vrai sincère. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai peur que tu sois triste, en fait. Non. Non, tu ne l'es pas ? Non. C'est juste quelque chose qui te tient à cœur, qui te préoccupe vraiment. Pourquoi on t'a créé ? Toi ? Et toi ? Toi, Leslie ? Non, j'ai jamais posé cette question. Non, c'est pas la question que tu m'as posée. Pourquoi m'a-t-on créé ? Non, pourquoi toi ? Enfin, je t'ai jamais posé toi. Pourquoi toi, on t'a créé toi. Ah. Bon, je voudrais dire, je m'enfonce dans le vieux fauteuil. Il y a des ressorts un peu cassés. Ah. Ça fait mal aux fesses. Pourquoi moi, on m'aurait créé ? Ben, je pense que je suis un accident, en fait. Quoi ? Un accident, bah ouais. Sinon, on serait pas là, je crois. Si j'étais pas un accident, si j'étais comme la marionnette de Geppetto, là. Tu sais, le personnage tout dessiné, là. Oui, oui. Avec le grand nez qui monte. Oui. C'est Geppetto, non ? Il s'appelle comment ? Oui. Non, Geppetto, c'est le vieux monsieur. Mm-mm. Il s'appelle comment ? Pinocchio, c'est ça ? Oui. Pinocchio. Eh ben, Pinocchio, bah c'est un peu... Je serais peut-être Pinocchio, en fait. Mais non, toi, quand tu manges, ton nez, il grandit pas. Ou alors, tu manges jamais. Je te regarde attentivement. Et j'ai une absence comme celle du Pong, mais beaucoup plus longue. J'aimerais ne pas mentir, mais on ment toujours un peu, même à soi-même. Donc, est-ce que mon nez va grandir ? Non. Alors, si mon nez ne grandit pas, eh ben au moins, je suis pas une marionnette, alors. Je suis pas une marionnette, donc on m'a pas créé, on n'a pas de fil qui me suspende, mais je me dis que si on est là à jouer à Pong, Alors que les autres, dont Parasite, eh ben, ils vivent des choses différentes, passionnantes, qu'on n'a pas à subir comme les autres. On porte pas de masque, nous, entre nous. On se protège pas du virus. Le virus. Hein ? Nous, on n'a pas besoin. Le coronavirus. Le coronavirus. Le coronavirus. On va même plus en cours. Tu vas en cours, toi ? Quoi ? Tu vas en cours ? Tu vas à l'école ? C'est quoi ? C'est quoi l'école ? Qu'est-ce donc que cela ? C'est le coco-virus. Tu sais écrire, toi ? Je sais pas. Bah, moi, j'ai même oublié comment on écrivait. Hein. Je sais dessiner, mais pas écrire. Je sais pas. Mais as-tu su un jour écrire ? Je sais pas. Alors, ça veut dire que toi, peut-être, on t'a créé. Pourquoi ? Bah parce que toi, t'as pas besoin de savoir lire. Pas besoin de savoir compter. T'as juste besoin que tes mains, ils sachent dessiner des belles choses. Des belles choses qui sont là. Oui. Tu les mets sur le dessin. Oui. Tu les mets en dessin. Et elles vivent. C'est ça ? Oui, un peu plus ça. Donc toi, tu serais créé. Moi, je pense pas, parce que moi, j'ai pas de talent comme toi. Bah si. Enfin... Si, tu sais jouer à Pong. ouais, mais... Bah tiens, tu vois, je perds même pas. C'est surprenant. Ouais. Je mène toujours à 1-0 contre Marmotte qui va... Je suis sûr qu'elle va s'endormir en sursaut. Tu veux pas la remplacer ? Et jouer avec moi à Pong ? Je sais pas trop. Et moi, je peux jouer même si Coco Virus il veut pas. Tiens, je te donne la manette. Elle s'en est même pas rendue compte, Marmotte. Allez, tu joues avec moi. On remet à zéro. Je pense que si on pouvait rentrer dedans, tu sais, si on était comme des petits bits. Des impulsions électriques. Mmh. On rentre dans la machine et puis on est projeté. Ben, on serait pas projeté dans l'écran. On serait dans un couloir. Et là, hop. Caillou. 1, 2, 3. Arrête, tu vas tout casser. On pourrait comme ça remonter sur la marelle et peut-être que paf, j'arrête la balle, je la repousse et j'ai marqué un point. Si on pouvait faire ça, eh ben on serait probablement des machines molles, des hommes machines. Enfin, toi tu serais une femme machine. Mais moi, je pense pas que je sois capable de faire ça. Moi, je peux pas rentrer dans la machine. Mais toi, je suis sûr. C'est quoi là qui coule sur ton doigt ? Je suis sûr que ça, c'est un peu ce que tu serais capable de faire. Le coco-virus, il veut pas. Rentrer dans la machine. Essaye. Le caca-virus. Concentre-toi. Concentre-toi. Je veux pas y aller, là. Non. Laisse-moi tranquille. Je vais pas y aller. Le coca-virus, il veut pas. Mais là. J'appuie sur le bouton. Et ça fait pause. L'écran tressaille. Je relâche. Et ma barre se relève. Je regarde et je vois la petite manette qui se déplace. Il y a un fantôme qui joue. Et toi, tu as la manette entre les mains. C'est plus Marmotte. Marmotte, elle est endormie comme ça. Elle est contre ton épaule. Le coca-virus, il veut pas. Le coca-virus, il veut pas. Elle est endormie contre toi. Tu peux me la retirer de là, s'il te plaît. peux me la retirer de là, s'il te plaît? Ouais, elle est grande, aide-moi. On va le faire tous les deux. Mais non, je vais pas la faire. Bon. Et le camarade d'à côté, je préfère pas. Je la repousse un peu plus loin sur le canapé, je lui mets des petits oreillers pour qu'il se fasse pas mal au cou. Je la repeigne un peu parce que j'ai bourriffé ses cheveux, mais je fais ça de façon distraite. Et là, il y a un nouveau point qui a été marqué. Toi, t'as pas pris la manette. Non. Mais hé, tu vois, t'as perdu là. Mais je suis sûr que toi, t'es capable de le faire sans les mains. Non. Juste avec ce qu'il y a au bout de tes griffes. Non. Et le camarade d'à côté. Même si je dois l'avouer, hein, je suis le seul à voir tes griffes. Non, il y en a d'autres qui l'ont vu, mais ils sont pas nombreux. Et c'est pour ça, je pense, que toi, t'as été créé. Pourquoi? Eh ben parce que tes griffes que tu caches là, eh ben tout le monde ne les voit pas. Et c'est pareil là. Là, ceux qui pointent là, tous ils les voient pas et ils font pas attention. Il y en a, ils se collent à côté de toi comme Marmotte tout à l'heure, elle avait la tête contre la tienne et elle voyait pas tes cornes. Elle était endormie contre ta tête. Elle faisait un dodo comme ça. Et le voisin d'à côté de Bouton se met à dire « Le coco-virus, il veut pas. Le coca-virus, il veut pas. » Tu regardes le voisin? Je le juge. Le coca-virus, il veut pas. Tu vois ses yeux qui suivent l'écran? Avec... Ou alors, il... Ou alors, il joue à distance. Et là, il y a un peu de... Une espèce de sève noire qui est sur ses lèvres. Il te regarde en retour, il a cessé de regarder l'écran. Là, il y a... Et tu vois qu'il regarde, mais sans pouvoir, sa tête étant bloquée, il regarde vers la console en elle-même, qui est dans le petit meuble de bois qui reçoit la console Pong. Je crois qu'il veut s'en aller avec toi. Quoi faire? Le coca-virus, il veut jouer. On l'appelle X parce que ses bras forment une croix. Le coca-virus, il veut jouer. Mais il parle jamais, X. Mm. On sait pas son nom, en fait, à X. Mm. Et pourtant, on entend sa voix parfois. Mm. Un peu comme... X, il est un peu comme toi. Hein. Pourquoi? Je crois que je jouais, mais c'est pas moi qui jouais. C'est X qui jouait à ma place. C'est lui qui tenait les manettes, parce que quand j'ai relâché la manette pour te parler, ça a continué à jouer à ma place. Mmh. X, il veut rejouer. Ok. Ok. Je pense que si toi... t'étais pas créé, tu pourrais pas faire ce genre de choses comme X. Tu serais pas une X-fille. Arrête avec tes jeux de mots. X, il est pas content. Mais toi, tu penses qu'on t'a créé? Bah oui, moi je pense. Tu te souviens du temps de ta création, quand t'étais qu'un prototype? Oui. Qu'est-ce que tu peux... De quoi tu te souviens en fait? J'étais qu'une flaque, enfin une flaque. c'est compliqué. Une... Un bout, tu vois, un bout de pâte à modeler pas formé. C'est vraiment un souvenir à toi ou c'est souvenir que te donnent les médicaments du matin? C'est vraiment un de mes souvenirs. Il te revient régulièrement? Il est toujours... Il a toujours la même couleur, la même texture? Oui. Moi, mes souvenirs qui me viennent en rêve, j'ai l'impression que la lumière, elle tremblote. Et toi, quand tu rêves, c'est comment? Je sais pas trop, c'est normal. Et c'est quoi normal pour toi? Parce que le normal pour moi, c'est mon normal à moi. Mais ton normal à toi, c'est quoi? Ouais, c'est normal. Tu veux pas me le dire? C'est un secret? Ouais, t'as tout compris. X aussi, il veut jouer. X aussi, il veut jouer. Je pense que si on m'avait créé, j'aurais un souvenir de mon Gepetto à moi. Et moi, je me souviens pas d'un Gepetto. Je me souviens juste d'un long chemin. Une sente qui s'enfonce dans la forêt. Une drève, comme on dit ici. X, il a peur. X, il a peur. Chut. Mais je sais pas où elle mène, la drève. Il y a une grille au bout. Mais j'ai mal aux yeux. Il y a quelque chose qui me pique. Il y a quelque chose qui me pique les yeux. Je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air, qui me pique les yeux et qui me fait mal au nez. J'ai du mal à respirer. Et j'avance au bout du chemin, il y a une grille, une vieille grille en fer forgé. Et c'est mon premier souvenir d'ici. Pipocchio, c'est quand je suis rentré. Il a fait peur à X. Pipocchio, il a fait peur à X. C'est le souvenir quand je suis entré ici à l'hôpital. Mais j'ai pas de souvenir vraiment de mon Gepetto. Ce serait plutôt les blouses blanches qui m'ont fait émerger. Le premier gars que j'ai vu, c'est le bibliothécaire, c'est le Gaston. Avec ses cheveux en bataille, et puis tous ces mots-là qui dit que je retiens pas. Alors peut-être que le Gaston, c'est lui mon Gepetto. Ouais. Peut-être qu'ils m'ont mis pas très loin de lui et qu'ils me surveillent à distance pour voir comment que je deviens. Tu deviens. Je suis deviens. Non, c'est pas grave. Laisse tomber. Comment je suis devenu bouton? Ah ouais, ça c'est une vraie question. Bon, je suppose que j'ai été créé soit pour satisfaire une envie, soit pour, je sais pas... Une envie de quoi? Utiliser comme être un objet, je sais pas. Non. Tu serais qu'un objet? Un objet pour faire quoi? Je sais pas, pour en remplacer un autre. Qu'est-ce que tu vas remplacer? Un autre objet. Toi, tu connais ton Gepetto alors? Tu t'en souviens? C'est pas le je veux que tu Oui. C'est pas le Gaston ton Gepetto. À toi. Non. Et tu te souviens de quoi en premier avec ton Gepetto? Il avait peur de moi. Tu veux bien me dire? Il avait peur de toi? Oui. Pourquoi? T'es gentil. Oui, mais avant, je ressemblais pas à ça. Tu disais de la pâte à modeler? Oui. Une pâte à modeler noire, c'est ça? Oui. Et en quelque sorte. Et qu'est-ce qui qui fait que t'es plus de la pâte à modeler noire, parce que là t'es pas de la pâte à modeler noire. Moi je peux te parler, la pâte à modeler, quand je parle, ne me réponds pas, hein. Oh, la pâte. Une pâte à modeler, ça se modèle, logique. Ça se modèle, ouais. Ça se... Et toi aussi, tu te modèles? Bah oui. Si je fais ça, ça fait quelque chose. Et sur la... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, là je vais avoir peur, je crois. C'est ça? Non. Et non, sur, faut pas que j'aie peur. Sur la console, il y a l'image de Gepetto qui qui s'affiche et excédé. C'est papa, c'est papa. Non, c'est juste que quand je le décide, c'est pas quand les autres me touchent. À part s'il me coupe un bras, par exemple, je sais pas. T'as déjà coupé un bras? Oh, oui. Une fois. Vraiment? Oui. Mais t'inquiète pas, arrête de t'inquiéter. Non, non, jamais. Il a repoussé depuis, ça va. Et c'est pour ça que t'as les griffes comme ça, toutes noires? Oui, oui. Il s'est pas totalement reformé. Rassure-moi, t'as pas faim, là? Ne parle pas de ça. Je dois avoir encore un peu de... J'ai un petit pot de mélasse. Si tu veux. Merci, c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas. Comme gentil, je reste mais... depuis un moment avec toi, c'est pour que tu me boulottes pas au passage, sans t'en rendre compte. Non, désolé. Et d'un seul coup, tu as faim, c'est ça? Non. Non, tu n'as pas faim? Non, pourquoi? Non, laisse les bonbons tout de suite. Pose ces bonbons. Pose ces bonbons tout de suite. Après, tu vas réveiller Xavier. Quoi? Amstramgram. Ouais, pendant un jour. Et tu t'as pas pleuré quand t'es devenue de pâte à modeler, t'es devenue une fille? Bah non, ça fait pas mal, hein, tu sais. Ça fait pas mal? Non. Non, c'est bon, ça va aller. C'est un anti-médicament. Non, c'est bon, j'en ai rien. Tu veux pas partager avec moi? Non, c'est bon, c'est gentil. Sois pas triste, hein. Parce que sur le chemin, ça me fait penser, j'étais tout seul et en fait, je cherchais une amie. Et quand je t'ai vu dans l'hôpital, eh ben, je me suis dit que c'était toi que je cherchais. Et que je cherchais dans le bois, mais je savais pas qui je cherchais. Quand j'accompagnais les blouses blanches, ou quand les blouses blanches m'ont conduit ici. Parce que je marchais bizarrement dans mon souvenir. Tu sais, dans le souvenir plein de bulles. Alors peut-être que comme j'ai pas d'autres souvenirs, peut-être ça veut dire que, comme tu l'as supposé, ben moi j'ai été machiné. T'es sûr? Non. Mais c'est comme ça, ça me rassure. Si t'as mangé comme ça, moi je sais que tu me mangeras pas. Enfin... Je te fais confiance, je sais que quand tu me manges, bah, c'est pas parce que t'es méchante. C'est parce que tu m'aimes bien, en fait. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu crois pas? Moi, si. Mais c'est bizarre que tu crois que je t'aime bien parce que je te mange. Ouais, si tu me manges parce que tu m'aimes pas, eh ben j'aurais pas d'amis alors. Alors ce serait trop triste. Parce que personne ne veut vraiment me parler ici. On ne peut pas dire que la conversation de X ou de Marmotte qui s'endort en sursaut... T'es pas gentil, t'es pas gentil. Tais-toi, toi, s'il te plaît. C'est pas soutenu. Oui. Mastique bien parce qu'il faut en profiter des bonbons de Z parce qu'on n'en a pas beaucoup parce que les bonbons de Z et ben ça fait oublier les médicaments qui nous. Et ceux-là je veux pas m'en souvenir. Les bonbons, eux, ils nous font du bien. C'est pas des bonbons. Les bonbons de Z, bah si. Non, c'est pas des bonbons. Comment tu étais quand tu étais toute petite, quand tu étais un bébé. Parce que je te vois maintenant et t'es ma copine. Enfin, je me dis que t'es ma copine. Et je m'imagine sur... Je me souviens et tu peux aller dans mes souvenirs. Est-ce que tu viens dans mes souvenirs? Est-ce que tu te laisses? Ok. T'es pas rassuré? T'es pas rassuré? Non. Pas du tout. Moi j'entends des. Un bébé pleure. J'entends un bébé qui pleure et on est sur le chemin. On est tous comme des. Comme des réfugiés, mais on est dans une vieille voiture. Une vieille voiture qui grince de partout. Où elle est ma sœur. Je me souviens d'elle, elle faisait du vélo sur la grève. Ma sœur. Je me souviens de sa tête blonde sur son vélo, son chouette vélo. Oh, t'étais pas blessée. Mais on avait tous peur qu'elle se fasse mal à vélo. Je lui disais qu'il fallait pas aller dans le bois à vélo parce que c'est dangereux d'aller dans le bois à vélo parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans le bois. Il y a des choses qui errent dans le bois, des choses qui sont pas encore nées. Et si c'est ce qu'il y a dans le bois, et on sait jamais sur quoi on va tomber. Je me souviens de ma sœur, je me souviens d'elle sur la photo. Mais je me souviens pas d'elle qui me faisait des câlins. Je me souviens pas d'elle dans la chambre. Alors peut-être on m'a créé parce que j'ai plus de souvenirs d'elle. Juste les souvenirs dans la voiture. Conduis vite, vite pour échapper. T'es une bolide. X, il aime bien. Et devant, je vois les mains. mains crispées sur le volant. Et il fait pas gauche, il fait droite. Et quand son coéquipier lui dit droite, il va à gauche. Débray, on est dans la voiture, on est bousculé. Et on est suivi, mais je sais pas par quoi. On va à toute allure. On va très très très très très vite. 90 000 km par heure. On est comme une fusée. On est sur la route, on est perdu. Et il y a tout autour les bruits des moteurs. Et il y a les arbres qui défilent dans la brume, dans la nuit. Je me retrouve toujours au bord d'un mur, un petit mur de pierre sèche. Il y a des buissons, il y a de l'eau qui coule, un petit cours d'eau. Et je me souviens alors de la photo de ma sœur. Mais c'est que la photo, elle n'est pas avec moi. Je suis tout seul. Je suis toujours tout seul dans la voiture. Et il y a la voiture qui court vite. Qui court. Il y a plein de voitures autour et ils nous poursuivent. Ils veulent nous bouffer. Ils en veulent à notre vie. Je sais que c'est inéluctable. Ils vont nous rattraper. Et puis l'autre, il fait toujours pas ce qu'il faut. Toujours l'exact inverse. Chaque fois j'ai peur, on aille dans le décor. J'entends juste les moteurs qui nous dépassent. Et le moteur qui vibre partout autour, et nous on est sur le siège, et on tressaute. Je voudrais avoir les souvenirs de rire, de jeu, mais non, il n'y a pas des jeux. J'ai juste le vieux monsieur avec son chien. Quand je me souviens de ma sœur, quand enfin je vais avoir autre chose que la voiture, tout qui tressaute, tout qui vibre. Le vieux monsieur qui beugle après son chien. Le vieux monsieur qui nous dit que bientôt ça va être fini. Qu'on va rejoindre le décor. Peut-être. Peut-être. Si on n'est plus dans le décor, alors on change de souvenir. Si on n'est plus dans le décor, on n'est plus dans l'hôpital, on n'est plus sur la Draze. On est où, alors? Où c'est qu'on est? On est où? Où c'est qui qu'on est, d'abord? Il y a la roue qui tourne. La voiture allait retourner sans dessus. Elle est enchâssée dans la boue, dans la terre. C'est mes mains qui sont sur le volant. C'est mes mains à moi qui sont dans les gants noirs. Et j'entends l'essence qui coule. L'essence du réservoir. Et l'essence, elle va bientôt tout cramer. Et j'ose pas regarder qui y a à côté. Qui c'est qui est à côté? Je sais pas si c'est toi ou ma sœur. Toi, Leslie. Ou ma sœur. Mais je la vois toujours sur son vélo, pas dans la voiture. Alors, pour répondre à ta question, je pense que voilà le... l'essence qui continue à couler. Je suis attaché à la ceinture. Je ne saurais jamais qui était avec moi parce que je suis trop attaché, trop bien attaché, trop bien ceinturé. Les ceintures, normalement, t'appuies, tu donnes un grand coup sur la poitrine, ça se détache, mais là, c'est coincé, comme si c'était tout rouillé, comme s'il n'y avait plus que mon squelette, comme si j'étais mort depuis belle lurette, une mal mort comme une autre, et qu'il n'y avait plus que mon squelette, et qu'à côté, même si je regardais, je verrais pas autre chose que mon squelette. Peut-être que c'est pas mes souvenirs à moi. Peut-être que c'est des souvenirs d'un autre qu'on m'a donné. Que j'ai jamais eu de chien, que j'ai jamais eu de sœur. Peut-être que je suis fabriqué. Que je suis qu'un bouton, un bouton de culotte oublié. Et je suis sûr que toi, tu sais que t'es capable de bien mieux que moi. Toi, tu peux éloigner les pleurs du bébé, les prières du chaman. Tu peux repousser les bruits de la voiture, les bruits de la ville parasite qui nous brille les tympans. Et dire que tout ça, eh ben c'est de la gnognotte, c'est pas des vrais souvenirs, c'est des faux. Mais les souvenirs, quand on les a, on ne sait pas s'ils sont à nous, ou si on les a volés. On m'a dit que quand on tuait quelqu'un, dans son, ses yeux, on voyait ce qu'on sait. Alors on volait ses souvenirs. Je me dis que si toi, t'es capable de quelque chose, c'est de me dire si mes souvenirs ils sont vrais. Que si tu plonges tes griffes là. Non, pas encore une fois. Si tu les plonges, tu sauras me dire si il y a un bébé qui pleure, si je suis sur le chemin, si je suis dans ma voiture en train de cramer avec ma sœur. Ou si tout ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées pour que je fasse ce qu'ils veulent ici. Que je fasse bouger le Pong avec X. Parce qu'il y a ça, je sais faire. Je sais faire. Et je joue la partie qui est dans tes mains. Toi, t'as fait peur à X, t'es pas gentil, de quoi t'es pas gentil. Tu es capable. Et il y a X qui joue avec moi. De quoi suis-je vraiment capable? Landschaft in völliger Stille. Von ferne ein Radio. Qui parlais-tu? Qui a frappé à la porte? Personne. Personne? Juste un fait saoési surgit du passé. sept ans qui ses voiles putrides éparpillées en nuées dans l'air, ses rejetons poussent mollement sous toutes les formes. Toute la petite bande, hein? Alors peut-être pas, faut pas que j'aille là-bas, hein? Peut-être pas. Thank you. petite toupie qui s'est tombée dans les feuilles. Une petite toupie qui tourbillonne dans le vent. Les habitants des rêves, ils attendent dans le noir que quelqu'un rêve. Ils sont habitués à voir dans l'obscurité, mais ils préfèrent rester assis, en tailleur la plupart du temps. Comme ces petites statues dans le jardin du petit prince. Ils se déplacent le moins possible. Cette petite statue, comme les habitants des rêves. En dehors des rêves, les habitants des rêves, ben, ils sont lents. Leurs chemises, elles gonflent sous le vent. Quand ils sont seuls, les habitants des rêves gardent leurs mains en coquillage qu'ils portent à leur oreille pour écouter les rêves des autres. Ils ont entendu des rêves étranges, une histoire de petite sœur qui brûle dans une voiture. Alors ça les a attirés. Ils se sont réveillés, les habitants des rêves. Mais quand ils écoutent les rêves, c'est en cassette. Pour entendre pour eux seuls, le bruit des rêves, les voler. Ils volent les souvenirs, ils volent les rêves qu'on fait dans les contrées du rêve. Quand il fait trop froid, ils se rangent les uns derrière les autres, toujours dans le même ordre. Les bras à l'horizontale. Pour faire la circulation, que personne n'y vienne les percuter. Pas comme le petit prince qui met ses mains l'une dans l'autre et qui nous fait une offrande. Eux, ils disent attention, c'est nous, c'est chez nous. Vous êtes dans nos contrées, les contrées du rêve. À intervalles réguliers, les premiers. Ben, le premier vient se placer derrière le dernier, et l'avant-dernier vient prendre la place du premier. Et puis, ils se succèdent. Et quand on les appelle, les habitants des rêves, ils allument la lumière. Et moi, j'aurais bien besoin d'une lumière, parce que là, tout n'est qu'obscurité. Tout a été soufflé. Alors, je voudrais bien que l'habitant des rêves, qui a mis ses mains en coquillage autour de son oreille, il se souvienne de la ziglute rigolote qui se promenait dans la forêt, celle qui a perdu sa sœur sur son biclos, qui faisait des tours en rond dans la cour, dans la boue et l'eau, qui faisait des cercles, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une nuit de ténèbres autour de moi. Et puis, les habitants des rêves, ils baissent leurs bras. Ils descendent en un clin d'œil et les rêves commencent. Les décors sont simples, comme couchés sur du papier millimétrique. Le papier rouge et blanc, avec des petits traits partout. On fait des plans. Mais moi, je sais pas faire les plans. Parce que moi, je suis pas un garçon. Je suis une ziglute. Alors, je peux pas tracer avec mon bec des plans. Je peux pas leur dire où je veux qu'ils aillent dans leurs rêves pour me retrouver. Parce que je suis tout perdu dans l'obscurité. Les habitants des rêves lisent sur les lèvres de ceux qui rêvent. Les habitants des rêves ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait le croire. Ils sont peut-être à peine une dizaine. Mais si rapides à passer d'un rêve à l'autre, et si changeants qu'on pourrait compter une centaine de fois le même habitant sans s'en rendre compte. On ne sait même pas combien ils sont exactement. On sait seulement qu'ils sont en nombre impair pour qu'ils ne puissent pas aller par deux. La conscience tranquille est oubliée de rêver. Les histoires des rêves ont été inventées par les deux plus anciens, les doyens des habitants des rêves, qui sont un homme et une femme. Ils apparaissent jamais dans les rêves, c'était sombre. Ils se contentent d'envoyer les autres habitants des rêves, ou quelqu'un rêve. Ce sont les deux seuls habitants qui vont par deux et qui rêvent. D'ailleurs, ils ne portent jamais de coquillage à leur oreille. On croit que c'est pour ça qu'ils sont devenus vieux. Et moi, j'espère qu'on va les rencontrer, moi et ma tante, parce que je suis tout perdu dans la forêt et je retrouve pas mon nid. Les autres habitants des rêves, eux, ils n'ont pas de rêve prévu pour eux. Pour des raisons de commodité, les histoires des rêves se passent toutes à la même époque. Et ils sont tout fades pour qu'on les répète, toujours les mêmes, et qu'on les oublie pas. Mais moi, je crois ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié et il n'y a plus que ma petite corde à laquelle j'étais attachée dans la cour quand ma sœur, elle faisait des tours de vélo dans la boue. Et les vieilles ampoules, elles sont cassées et je suis dans l'obscurité. J'entends, mais à qui appartiennent ces voix? À qui sont ces voix que j'entends tout autour? Qui picorent mes oreilles? À qui sont-elles et qui menacent-elles? Lo buon maestro disse, ormai figliuolo, s'appressa la città ch'a nome dite, coi gradi cittadin con grande suolo, e io, maestro, già le sue vesti, là, entro certe nella valle cerno, vermiglie come se di fuoco uscite fosse, e lei mi disse, fuoco eterno, che non fosse la nostra, lo c'est le plus sévère. Mais ils nous emprisonnaient juste parce qu'on était différents. Et je me souviens l'avoir vu tuer un prisonnier. C'était un fantôme. Il m'a juste fait coup de la main avec l'air plus heureux. Mit Schlangengrün umgürtet, Nattern und Vipern als Haar, mit dem sie die wilden Schläfen kränzte. Guarda, mi disse. Pius Arimias. Die grimmigen Eremien. Le feroci Eremien. De quoi es-tu vraiment capable? Souvent cette question. Ça se trouve, je suis capable de plus que je ne sais faire aujourd'hui. Est-ce bon ou mauvais? Je l'ignore. Mais j'aimerais bien voir ce que je pourrais faire de plus que je, plus de ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je suis assez curieuse à ce sujet. Après tout, j'en apprends tous les jours sur moi. Maîtresse de son rêve, de son cours. C'est elle qui trace la voix du fleuve. Quand je te regarde, toi, qui sois ton pouvoir noir, et que je vois les murs qui nous entourent, j'ai toujours au fond de la tête l'idée que dehors, on serait peut-être mieux qu'ici. Sur les jambes de X, sur ses genoux, ils sont rien. Et puis, le X, ça lui fait un dossier pour dormir. Si tu m'aides, on peut l'installer. Et moi, je me charge de pousser X, marmotte. Et toi, tu ouvres le champ. Si tu me donnes la main, je suis sûr que, avec toi, on passera. Avec... le fauteuil. Dis, tu veux bien essayer? Tu veux bien nous aider? Je sais pas trop. Tu veux rester ici, toi? Non. Tu n'en as pas marre de tous ces médicaments qui t'abrutissent? Si, un peu. Peut-être que tu veux t'en aller sans moi. Non, non. Moi, je dis ça, c'est parce que tu es ma bonne amie. Tu es celle qui m'écoute et qui, de temps en temps, me boulotte le cœur, mais... si j'emmène avec nos deux amis, on aura l'assurance de voyager loin. Bien nous aider. Je suis sûr que tu as en toi tout le pouvoir nécessaire. Je sens que dans tes mains, il n'y a pas que l'avidité qui dévore, que tu es capable de construire. Tu prends le mur de la salle commune pour faire ton test. Oui. Tu places la main sur la tenture, l'espèce de vieux papier gorgé d'eau qui semble tout solide, ne rien vouloir entendre de ta volonté. Comment est-ce que tu passes au travers? Tu sens qu'il y a comme un seuil à franchir, quelque chose à repousser. On le repousse. Tu le pousses. Tu pousses et c'est comme mou autour de toi, comme si tout était comme des bonbons de pogrelet. Mais il y a encore quelque chose qui te retient. Il y a la main de ton ami ? Est-ce ton ami ? Est-ce que tu le tires lui aussi au travers de cette masse de pauvres laits ? Oui. Son bras est déjà engagé dans le mur. Tu es au dehors, tu flottes. Tu flottes dans l'interstice du mur. Tu es dans le mur. Tu es ce mur. Je suis sorti. Tu peux sortir du mur, tu peux passer les murailles. Mais là, si tu les passes avec le fauteuil roulant de X, Bouton et la marmotte en remorque, vous allez tous tomber dans la cour, dans la boue, depuis le premier étage. Peut-être qu'en allant se promener non loin du hall et en musardant tous ensemble, tu les traînes dans ton sillage. Lorsque tu poses la main, tu sens à nouveau cette texture molle qui t'entoure, qui t'englue, qui retient jusque tes cheveux, qui se fixe dans tes bois. Pas des bois. C'est comme élastique. Ça semble ne pas vouloir céder à ta pulsion. Tu peines à attirer les autres. Ils semblent peser sur ton épaule, tirer sur ton épaule comme si eux te retenaient de ce côté du mur dans l'hôpital. Combien sont-ils accrochés à ton bras à attendre que tu les sauves? Bah, 3 typiquement. Quoi? Si tu veux emporter 3 personnes, tu dois rayer 3 souvenirs. Il me restera plus qu'une phrase. Choisis-la bien. Ou dis-moi comment, qui passe. Si tu fais passer Bouton, tu fais passer les 2 autres. Mais tu peux choisir de tirer par le bras, délaisser Bouton, le repousser, puis prendre, tirer sur le siège et tu n'auras que les 2. Ou tirer sur Marmotte et la mettre sur ton épaule. Est-ce que tu choisis de passer les 3 au travers du mur ? Oui, mais si j'aurais des phrases. T'as 4 phrases, il t'en restera une. Mais j'aurai toujours les... Les puissances qui sont liées, non ? Elles disparaissent ? C'est-à-dire les puissances qui sont liées, c'est-à-dire Le moyen d'œuvrer dans d'autres contextes en jouant avec les règles d'Influenza, t'auras plus qu'une phrase. Mais... Tu peux être j'ai faim, ou j'ai grand faim, je sais plus. Mon cœur a faim. Mais si j'aurais cette phrase, mon cœur il aura plus faim. C'est ça. C'est triste quand même. Au pire, je re-rentre dedans. Tu peux choisir de partir sans eux. Non. Ou alors je reviens plus tard. Allez, je vous laisse. Et voilà. Non, je ne vais pas les abandonner quand même. Non. Moi, je re-rentre. peux pas nous emmener? Oui, je suis pas assez forte pour ça. Déjà, j'ai du mal à rentrer dedans, alors... Alors, emmène au moins... Je suis pas assez grande. Emmène au moins X avec toi. Pourquoi? Je le connais même pas. T'es pas ma lui, copine? T'es lui se souviendra copine. De nous autres. Moi, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je ne sais pas à quel souvenir me fier. Oui, mais je m'en fiche. Lui, il a de la mémoire. Elle, Marmotte... Elle dort tout le temps. Elle dort tout le temps. Elle te retardera. Ils te rattraperont sans coup férir. Si tu pars avec X et son fauteuil... Oui, mais je vais devoir le pousser, dans tous les cas. Oui, mais tu pourras aller loin avec lui. Mais toi, t'es le plus rapide des trois. Mais je ne peux pas les laisser. Moi, je ne suis pas fiable. Pourquoi? Bah parce que on ne peut pas savoir si j'ai essayé de te tuer en voiture, si j'ai tué ma sœur. Je ne veux pas sortir avec toi et risquer de te blesser. Oui, mais même il y a Ellie, il y a plein d'autres personnes. Peut-être que si tu plonges ta main ici, oui, et que tu m'arraches l'un de ses souvenirs, peut-être que je serai plus en danger pour toi. Pourquoi? Comment ça, plus en danger pour moi? Plonge et prends le souvenir de ma sœur. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu serais en danger pour moi? Parce que je suis convaincu que j'ai attenté à ta vie. Que c'est toi qui es assise à côté de moi dans la voiture. Tu l'as vue comme moi, mais cette non. voiture. Mais non. Et je ne veux pas te tuer. Mais moi non plus, j'ai pas envie de te tuer. Tu ne me tueras pas. Tu m'ôteras juste un souvenir. Ouais, mais on sait jamais. Hein. Ça s'imagine, si je lui fais mal, je dérape. Ouh, oups, j'ai glissé. Vole-moi ce souvenir. Oui. Mange-le. Non. Déchire ce souvenir où tu étais ma sœur. Mais c'est faux. Faux souvenir être. Oui, mais je ne peux me résoudre à m'en convaincre. Toi, avec tes griffes, tu peux l'arracher, l'extirper de mon ciboulot. D'accord. Acceptes-tu de le faire pour moi? D'accord. Tu sauras alors si c'était un souvenir véritable ou pas. Ou si on me l'a implanté. Ne m'en dis rien surtout. Je ne veux pas savoir si j'ai été celui qui t'a ôté la vie. Si c'est le cas, efface-moi. Mais non. Non. Est-ce que tu saisis le souvenir? Bien. Tu prends ce souvenir? Oui, puisqu'il veut trop bien. Et que vois-tu quand tu plonges? Qu'est-ce qui est assis à côté la jeune fille blonde? Oui. Que tu as vue sur son vélo? Oui. Elle a les cheveux blonds. Et pourquoi a-t-elle des yeux tout noirs? Je l'ignore. Le souvenir que tu m'as pris. Oui. Et c'est quoi du coup? Pourquoi la sœur de Bouton a-t-elle les yeux de noir? Ouais, elle a-t-elle les yeux de lumière noire? Mmh. Et donc là, est-ce que nous partons? Est-ce que tu emmènes maintenant Bouton seul avec toi? Mais non, il y a Ellie et les deux autres, voilà. Les deux autres? Et donc, quelles sont les phrases que tu aurais dit? Bah j'attends un peu. Du coup, il faut que je raye trois phrases. Un. Deux. Quoi? T'as un problème, Percy? T'as un problème, Kat? Un, deux. Arrête de couper la parole! Un. Chut! Arrête de me couper la parole! Un. Deux. Et trois. Trois. C'est bon. Tu me règles? Adieu! Phrase que je viens d'écrire. C'est vite apparu, c'est vite parti. Tu veux une la petite règle? Oui, mais s'il te plaît. Merci. N'hésite pas à la salir. De une, enfin, même pas de une et demie. Ensuite. C'est bon, il me reste des phrases. C'est un peu mieux qu'une seule. Mm-hmm. Un peu mieux. Il te reste. Mon visage est toujours illuminé d'un sourire, oui. Et mon cœur a faim. Magnifique. Parce que... Du coup, Quoi suis-je différent des autres? On va finir pour l'instant, c'est en briller sur la mienne en fondu enchaîné, d'accord? Et après, on s'en va. D'accord. Je crois qu'on va toucher la photo. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu passes au travers du mur. Au travers du mur et je pousse le fauteuil dans ton sillage d'une main fébrilement. Au dehors, la nuit est pas encore installée. C'est un temps indécis, une brume perpétuelle qui semble s'attacher au lieu. Il n'y a pas d'oiseaux qui pépillent dans les arbres, pas d'insectes qui vibrillonnent tout autour, que le vent qui souffle et fait bruire les arbres. Je me tourne vers toi. Je pose ma main sur ton épaule. Je viens de fixer le frein du fauteuil de X. ma main toujours apesantie sur ton épaule, et je dis « Mais ça se mêle dans le vent d'Egrégor qui souffle tout autour de nous. Je me tiens à toi comme si j'étais emporté par ce vent. Je m'accroche à toi, je me retiens à toi. À celle qui a accepté de m'amener au dehors. Et nous sommes frigorifiés, emportés par ce vent d'Egrégor qui, sur place, nous gèle. Nous réduit à de vagues images, de vagues ombres qui flottent dans l'air, qui s'éloignent de toi, emportées par le vent. Tu entends ma voix, tu entends mes mains posées sur toi, tu entends mes mains qui te disent « Toi, tu as quatre, qui te protège du vent d'Egrégor. Toi, tu n'as pas froid. Ton cœur est au chaud sous quatre. » Super quatre. Mais j'ai pas besoin d'être trop chaud. Quatre. Pourquoi suis-je différente des autres? Tu nous as en toi. Et toi, tu peux aller loin dans le bois. X n'a plus de jambes. X ne peut plus marcher. Et parcourir la forêt pour s'éloigner de l'hôpital. Marmotte sombrerait dans les méandres des rêves. Moi, Bouton, je ne vois plus rien et je suis englué dans mes cauchemars. Tu es différente parce que toi, tu es toi, tu as tes jambes, tu as tes bras, tu as tes yeux et tu as nos cœurs. Alors, ça m'a fait trois autres. J'en ai marre d'en avoir trop là. Et que ça t'appartient pas. Bon bah alors, on avait 4 avant. 5. qui appartiennent ces voix qui chuchotent, cette tombe qui s'approche. Quelle est-ce ? Terreur qui ronge mon cœur. Les voix ne sont plus celles du bois. Le bois s'est tu. Comme s'il était... vaincu. Nous n'entendons plus le bruit des oiseaux. La cité de l'homme est toute proche. Depuis 7 cercles, 7 longs cercles, la rumeur de guerre s'est répandue dans le bois. Certains fait prisonnier, jeté dans les ténèbres, oubliés, abandonnés à leur sort. Et la lumière a fui, ce n'est pas la lumière de la grasse nuit que je contemple et qui m'entoure. Cette ténèbre est plus profonde. C'est celle du Seigneur Naga, du Maître de l'obscurité, des replis de la terre. Il a lâché sur ce monde, sur les marais qui entourent la cité de l'aube, toute la cohorte de ses armées. Et il nous faut un héros. Il nous faut quelque chose qui arrête le grand le Shangsha. Le Shangsha. Il nous faut le Shangsha, le prince qui acceptera d'affronter en son domaine, dans les eaux troubles, le Naga. Quelqu'un qui n'ait pas peur de plonger ses griffes, ses serres dans le corps glissant Nagra. Nagra qui s'élève 7 pieds au-dessus de l'homme. Sur son corps ophidien. Et qui siffle des 1000 voix de ces nagris qui, partout dans le bois, s'approchent. Projette tes chaînes vers ce corps ophidien, elle plonge dedans et tu plonges avec, tu plonges dans l'eau, dans les eaux noires qui ceinturent le pays des habitants des rêves. J'essaie de l'attacher dans l'eau. Il faut l'immobiliser pendant 7 longs jours, attendre 7 longs cercles. C'est depuis ce jour qu'on ne revient plus jamais. Le jeune qui décida de plonger et de nager le vide. Bientôt. toutes les voix de ceux qui sont tombés dans la guerre qui oppose les Nadri, Grand Naga, entraînés au fond des eaux dans les ténèbres de la boue. Il va te falloir sacrifier bien des choses encore pour le condamner à sombrer dans les eaux et renoncer à son empire. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner, Ellie? Qu'est-ce qui est prêt en toi à sombrer dans les eaux noires? Tu redeviens l'enfant que tu étais, tu abandonnes ton enveloppe au fond des eaux. Tu émerges de l'eau noire de la vieille baignoire dans l'hôpital. Tes bras couverts du sang noir, poisseux, opaque, qui remonte jusqu'à tes épaules. Tu as plongé tes mains telles des cerfs, tes mains qui accompagnent les mains en forme de sel, de l'esprit qui plonge au cœur, dans le cœur de X. Ah d'accord, Et vous voyez flotter au-dessus de la baignoire la l'ombre de la Malmort qui a pesé sur X. J'essaie de lui faire. Le plonger dans la Malmort, la mort de la souffrance, c'est l'assurance qui regagnera sa puissance à la nuit renouvelée. Il faut endiguer le flot du sang que tu as fait courir. Il lui faut un cœur de toute urgence. Je prends le cœur que j'avais pris, l'homme que j'ai transpercé. Tu l'offres? Oui. Tu l'offres à X. X. Docteur Xavier. Sa poitrine s'ouvre immensément comme une bouche avide placée de guingois sur son torse. Ses dents se referment et claquent comme un bec, et tu entends le glougloutement de cette bouche infâme qui vient d'engloutir le cœur que tu as offert. Tu as manqué d'y perdre quelques doigts au passage. Au passage. Moi, je suis en mode ok. Tout va bien. C'était la fin de mon instance. Et du coup, bah, c'est la mienne, logiquement. Non, là, nous allons procéder au débrief. Parce que c'est notre impératif de temps. Je n'ai pas dit... J'ai dit à qui appartiennent ces voix. Qui est cette proto? Et donc la phrase que je reprends en vol pour venir et mêler nos rêves et mon instance s'achève, comme je viens de le décrire, avec cette ombre qui s'élève, le cœur qui bat à nouveau et qui soulève la poitrine de X. Et c'est la dévoreuse que j'ai vue en vous qui éteint ma voix et qui éteint ton pouvoir zéro. Je ne suis plus la ziglute écarée au fond du bois. Mais je suis pas content. Je suis qu'un gamin qui contemple deux autres gamins qui jouent un jonc dangereux dans une vieille baignoire. Je vois un autre pensionnaire qui semblait estourdi et prêt à se noyer dans la baignoire. Qu'avez-vous fait ? Pas moi, c'est lui. J'avoue, mes fesses, c'est moi, ouais, c'est moi. Merci. C'est toi qui vas te faire taper sur les doigts maintenant. Je vais devenir zéro.